Émile Zola, La débâcle. Première partie, chapitre 1. À 2 kilomètres de Mulhouse, vers le Rhin, au milieu de la plaine fertile, le camp était dressé. Sous le jour finissant de cette soirée d'août, au ciel troublé, traversé de lourds nuages, les tentes abris s'alignaient, les faisceaux luisaient, s'espaçaient régulièrement sur le front de bandière. Tandis que, fusils chargés, les sentinelles les gardaient, immobiles, les yeux perdus, là-bas, dans les brumes violâtres du lointain horizon qui montait du grand fleuve. On était arrivé de Belfort vers 5 heures. Il en était 8, et les hommes venaient seulement de toucher les vivres. Mais le bois devait s'être égaré, la distribution n'avait pu avoir lieu. Impossible d'allumer du feu et de faire de la soupe. Il avait fallu se contenter de mâcher à froid le biscuit qu'on arrosait de grands coups d'eau de vie, ce qui achevait de casser les jambes, déjà molles de fatigue. 2 soldats pourtant, en arrière des faisceaux, près de la cantine, s'entêtaient à vouloir enflammer un tas de bois vert, de jeunes troncs d'arbres qu'ils avaient coupés avec leurs sabres baïonnettes et qui refusaient obstinément de brûler. Une grosse fumée, noire et lente, montait dans l'air du soir, d'une infinie tristesse. Il n'y avait là que 12 000 hommes, tout ce que le général Félix Douet avait avec lui du 7e corps d'armée. La 1ère division, appelée la veille, était partie pour Froschvillers. La 3e se trouvait encore à Lyon. Et il s'était décidé à quitter Belfort, à se porter ainsi en avant avec la 2e division, l'artillerie de réserve et une division de cavalerie, incomplète. Des feux avaient été aperçus à Laurac. Une dépêche du sous-préfet de Schlesstad annonçait que les Prussiens allaient passer le Rhin à Markolsheim. Le général, se sentant trop isolé à l'extrême droite des autres corps, sans communication avec eux, venait de hâter d'autant plus son mouvement vers la frontière que, la veille, la nouvelle était arrivée de la surprise désastreuse de Wissembourg. D'une heure à l'autre, s'il n'avait pas lui-même l'ennemi à repousser, il pouvait craindre d'être appelé pour soutenir le premier corps. Ce jour-là, ce samedi d'inquiète journée d'orage, le 6 août, on devait s'être battu quelque part du côté de Froschvillers. Cela était dans le ciel anxieux et accablant. De grands frissons passaient, de brusques souffles de vent chargés d'angoisse. Et depuis 2 jours, la division croyait marcher au combat. Les soldats s'attendaient à trouver les Prussiens devant eux, au bout de cette marche forcée de Belfort à Mulhouse. Le jour baissait. La retraite partit d'un coin éloigné du camp. Un roulement des tambours, une sonnerie d'éclairons, faibles encore, emportés par le grand air. Et Jean Macquart, qui s'occupait à consolider la tente en enfonçant les piquets davantage, se leva. Au premier bruit de guerre, il avait quitté Rogne, tout saignant du drame où il venait de perdre sa femme Françoise et les terres qu'elle lui avait apportées. Il s'était réengagé à 39 ans, retrouvant ses galons de caporal, tout de suite incorporés au 106e régiment de ligne, dont on complétait les cadres. Et parfois, il s'étonnait encore de se revoir avec la capote aux épaules, lui qui, après Solferino, était si joyeux de quitter le service, de n'être plus un traîneur de sabre, un tueur de monde. Mais quoi faire, quand on n'a plus de métier, qu'on n'a plus ni femme, ni bien au soleil, que le cœur vous saute dans la gorge de tristesse et de rage? Autant vaut-il cogner sur les ennemis s'ils vous embêtent. Et il se rappelait son cri. Ah, bon sang! Puisqu'il n'avait plus de courage à la travailler, il la défendrait, la vieille terre de France. Jean, Debout, jeta un coup d'œil dans le camp, où une agitation dernière se produisait au passage de la retraite. Quelques hommes couraient. D'autres, assoupis déjà, se soulevaient, s'étiraient d'un air de lassitude irritée. Lui, patient, attendait l'appel, avec cette tranquillité d'humeur, ce bel équilibre raisonnable qui faisait de lui un excellent soldat. Les camarades disaient qu'avec de l'instruction, il serait peut-être allé loin. Sachant tout juste lire et écrire, il n'ambitionnait même pas le grade de sergent. Quand on a été paysan, on reste paysan. Mais la vue du feu de bois vert qui fumait toujours l'intéressa, et il interpella les deux hommes en train de s'acharner, Loubet et la poule, tous deux de son escouade. « Lâchez donc ça, vous nous empoisonnez !» Loubet, maigre et vif, l'air farceur, ricanait. « Ça prend, caporal, je vous assure. Souffle donc, toi !» Et il poussait la poule, un colosse, qui s'épuisait à déchaîner une tempête, de ses joues enflées comme des outres, la face congestionnée, les yeux rouges et pleins de larmes. Deux autres soldats de l'escouade, Chouteau et Pache, le premier étalé sur le dos, en fainéant qui aimait ses aises, l'autre accroupi, très occupé à recoudre soigneusement une déchirure de sa culotte, éclatèrent, égayés par l'affreuse grimace de cette brute de la poule. « Tourne-toi, souffle de l'autre côté, ça ira mieux !» cria Chouteau. Jean les laissa rire. On allait peut-être plus en trouver si souvent l'occasion. Et lui, avec son air de gros garçon sérieux, à la figure pleine et régulière, n'était pourtant pas pour la mélancolie, fermant les yeux volontiers quand ses hommes prenaient du plaisir. Mais un autre groupe l'occupa. Un soldat de son escouade encore, Maurice Levasseur, en train, depuis une heure bientôt, de causer avec un civil, un monsieur roux d'environ 36 ans, d'une face de bon chien, éclairé de deux gros yeux bleus à fleur de tête, des yeux de myope qu'il avait fait réformer. Un artilleur de la réserve, maréchal des logis, l'air crâne et d'aplomb avec ses moustaches et sa barbiche brune, était venu les rejoindre, et tous les trois s'oubliaient là, comme en famille. Obligeamment, pour leur éviter quelque algarade, Jean crut devoir intervenir. « Vous feriez bien de partir, monsieur. Voici la retraite, si le lieutenant vous voyait. » Maurice ne le laissa pas achever. « Restez donc, ouais !» Et, sèchement, au caporal, « Monsieur est mon beau-frère. Il a une permission du colonel qu'il connaît. » De quoi se mêlait-il, ce paysan, dont les mains sentaient encore le fumier ? Lui, reçu avocat au dernier automne, engagé volontaire, que la protection du colonel avait fait incorporer dans le 106e, sans passer par le dépôt, consentait bien à porter le sac, mais dès les premières heures, une répugnance, une sourde révolte l'avait dressé contre cet illettré, ce rustre qui le commandait. « C'est bon, » répondit Jean de sa voix tranquille. « Faites-vous empoigner, je m'en fiche. » Puis il tourna le dos, en voyant bien que Maurice ne mentait pas, car le colonel, monsieur de Vineuil, passait à ce moment, de son grand air noble, sa longue face jaune coupée de ses épaisses moustaches blanches, et il avait salué Wes et le soldat d'un sourire. Vivement, le colonel se rendait à une ferme que l'on apercevait sur la droite, à 200 ou 300 pas, parmi des pruniers, et où l'état-major s'était installé pour la nuit. On ignorait si le commandant du 7e corps se trouvait là, dans l'affreux deuil dont venait de le frapper la mort de son frère, tué à Wissembourg. Mais le général de la brigade, Bourguin des Feuilles, qui avait sous ses ordres le 106e, y était sûrement, très braillard comme à l'ordinaire, roulant son gros corps sur ses courtes jambes, avec son teint fleuri de bon vivant, que son peu de cervelle ne gênait point. Une agitation grandissait autour de la ferme, des estafettes partaient et revenaient à chaque minute, toute l'attente fébrile des dépêches, trop lentes, sur cette grande bataille que chacun sentait fatale et voisine depuis le matin. Où donc avait-elle été livrée? Et quels en étaient à cette heure les résultats? À mesure que tombait la nuit, il semblait que, sur le verger, sur les meules éparses autour des étables, l'anxiété roula, s'étala en un lac d'ombre. Et l'on disait encore qu'on venait d'arrêter un espion prussien rôdant autour du camp, et qu'on l'avait conduit à la ferme pour que le général l'interrogeât. Peut-être le colonel de Vineuil avait-il reçu quelque télégramme qu'il courait si fort. Cependant, Maurice s'était remis à causer avec son beau-frère Wes et son cousin Honoré Fouchard, le maréchal des logis. La retraite, venue de loin, peu à peu grossie, passa près d'eux, sonnante, battante, dans la paix mélancolique du crépuscule. Et ils ne semblèrent même pas l'entendre. Petit-fils d'un héros de la grande armée, le jeune homme était né, au chêne populeux, d'un père détourné de la gloire, tombé à un maigre emploi de percepteur. Sa mère, une paysanne, avait succombé en les mettant au monde, lui et sa sœur jumelle Henriette, qui, toute petite, l'avait élevé. Et, s'il se trouvait là, engagé volontaire, c'était à la suite de grandes fautes, toute une dissipation de tempérament faible et exalté, de l'argent qu'il avait jeté au feu, aux femmes, aux sottises de Paris dévorateurs, lorsqu'il y était venu terminer son droit, et que la famille s'était saignée pour faire de lui un monsieur. Le père en était mort, la sœur, après s'être dépouillée, avait eu la chance de trouver un mari, cet honnête garçon de Wes, un Alsacien de Mulhouse, longtemps comptable à la raffinerie générale du chêne populeux, aujourd'hui contremaître chez M. de la Herche, un des principaux fabricants de draps de Sedan. Et Maurice se croyait bien corrigé, dans sa nervosité prompte à l'espoir du bien comme au découragement du mal, généreux, enthousiaste, mais sans fixité aucune, soumis à toutes les sautes du vent qui passe. Blond, petit, avec un front très développé, un nez et un menton menu, le visage fin, il avait des yeux gris et caressants, un peu fous parfois. Wes était accouru à Mulhouse, à la veille des premières hostilités, dans le brusque désir d'y régler une affaire de famille. Et s'il s'était servi, pour serrer la main de son beau-frère, du bon vouloir du colonel de Vineuil, c'était que ce dernier se trouvait être l'oncle de la jeune madame de la Herche, une jolie veuve épousée l'année d'auparavant par le fabricant de draps, et que Maurice et Henriette avaient connue gamine grâce à un hasard de voisinage. D'ailleurs, outre le colonel, Maurice venait de retrouver dans le capitaine de sa compagnie, le capitaine Baudouin, une connaissance de Gilberte, la jeune madame de la Herche, un ami à elle, intime, disait-on, lorsqu'elle était à Mézières, madame Maginot, femme de monsieur Maginot, inspecteur des forêts. « Embrassez bien Henriette pour moi !» répétait à Wes le jeune homme qui aimait passionnément sa sœur. « Dites-lui qu'elle sera contente, que je veux la rendre enfin fière de moi !» Des larmes lui emplissaient les yeux au souvenir de ses folies. Son beau-frère, ému lui-même, coupa court en s'adressant à Honoré Fouchard, l'artilleur. « Et dès que je passerai à Rémilly, je monterai dire à l'oncle Fouchard que je vous ai vu et que vous vous portez bien. » L'oncle Fouchard, un paysan qui avait quelques terres et qui faisait le commerce de boucher ambulant, était un frère de la mère d'Henriette et de Maurice. Il habitait Rémilly, en haut, sur le coteau, à 6 kilomètres de Sedan. « Bon, » répondit tranquillement Honoré, « le père s'en fiche, mais allez-y tout de même si ça vous fait plaisir. » À cette minute, une agitation se produisit du côté de la ferme, et ils en virent sortir, libre, conduit par un seul officier, le rôdeur, l'homme qu'on avait accusé d'être un espion. Sans doute, il avait montré des papiers, conté une histoire, car on l'expulsait simplement du camp. « De si loin !» dans l'ombre naissante. On le distinguait mal, énorme, carré, avec une tête roussâtre. Pourtant, Maurice eut un cri. « Honoré, regarde donc! On dirait le Prussien, tu sais, Goliath !» Ce nom fit sursauter l'artilleur. Il braqua ses yeux ardents. Goliath Steinberg, le garçon de ferme, l'homme qu'il avait fâché avec son père, qui lui avait pris Sylvine, toute la vilaine histoire, toute l'abominable saleté dont il souffrait encore. Il aurait couru, l'aurait étranglé. Mais déjà l'homme, au-delà des faisceaux, s'en allait, s'évanouissait dans la nuit. « Oh, Goliath ! » murmura-t-il. « Pas possible, il est là-bas avec les autres. Si jamais je le rencontre !» D'un geste menaçant, il avait montré l'horizon envahi de ténèbres, tout cet orient violâtre qui, pour lui, était la Prusse. Il y eut un silence. On entendit de nouveau la retraite, mais très lointaine, qui se perdait à l'autre bout du camp, d'une douceur mourante au milieu des choses devenues indécises. « Fichtre !» reprit Honoré. « Je vais me faire pincer, moi, si je ne suis pas là pour l'appel. Bonsoir, adieu à tout le monde !» Et, ayant serré une dernière fois les deux mains de Wes, il fila à grandes enjambées vers le monticule où était parquée l'artillerie de réserve. Sans avoir reparlé de son père, sans rien avoir fait dire à Sylvine, dont le nom lui brûlait les lèvres. Des minutes encore se passèrent, et vers la gauche, du côté de la deuxième brigade, un clairon sonna l'appel. Plus près, un autre répondit. Puis, ce fut un troisième, très loin. De proche en proche, tout se sonnait à la fois. Lorsque Gaude, le clairon de la compagnie, se décida à toute volée des notes sonores. C'était un grand garçon, maigre et douloureux, sans un poil de barbe, toujours muet, et qui soufflait ses sonneries d'une haleine de tempête. Alors, le sergent Sapin, un petit homme pincé et aux grands yeux vagues, commença l'appel. Sa voix grêle jetait les noms, tandis que les soldats qui s'étaient approchés répondait sur tous les tons, du violoncelle à la flûte. Mais un arrêt se produisit. « La poule ?» répéta très haut le sergent. Personne ne répondit encore, et il fallut que Jean se précipitât vers le tas de bois vert, que le fusillé, la poule, excité par les camarades, s'obstinait à vouloir enflammer. Maintenant, sur le ventre, le visage cuit, il chassait au ras du sol la fumée du bois, qui noircissait. « Mais tonnerre de Dieu, lâchez donc ça !» cria Jean. « Répondez à l'appel !» La poule, ahurie, se souleva, parut comprendre, hurla un « Présent !» d'une telle voix de sauvage que Loubet en tomba sur le derrière, tant il le trouva farce. Pache, qui avait fini sa couture, répondit, à peine distinct, d'un marmottement de prière. Chouteau, dédaigneusement, sans même se lever, jeta le mot et s'étala davantage. Cependant, le lieutenant de service, Rocha, immobile, attendait à quelques pas. Lorsque l'appel fini, le sergent Sapin vint lui dire qu'il ne manquait personne, il gronda dans ses moustaches, en désignant du menton Wes, toujours en train de causer avec Maurice. « Il y en a un de trop! Qu'est-ce qu'il fiche, ce particulier-là? »« Permission du colonel, mon lieutenant, » crut devoir expliquer Jean, qui avait entendu. Rocha haussa furieusement les épaules et, sans un mot, se remit à marcher, le long des tentes, en attendant l'extinction des feux. Pendant que Jean, les jambes cassées par l'étape de la journée, s'asseyait à quelques pas de Maurice, dont les paroles lui arrivèrent, bourdonnantes d'abord, sans qu'il les écoutât, envahi lui-même de réflexions obscures, à peine formulées, au fond de son épaisse et lente cervelle. Maurice était pour la guerre, la croyait inévitable, nécessaire à l'existence même des nations. Cela s'imposait à lui, depuis qu'il se donnait aux idées évolutives, à toute cette théorie de l'évolution qui passionnait dès lors la jeunesse lettrée. Est-ce que la vie n'est pas une guerre de chaque seconde? Est-ce que la condition même de la nature n'est pas le combat continu, la victoire du plus digne, la force entretenue et renouvelée par l'action, la vie renaissant, toujours jeune de la mort? Et il se rappelait le grand élan qu'il avait soulevé lorsque, pour racheter ses fautes, cette pensée d'être soldat, d'aller se battre à la frontière, lui était venue. Peut-être la France du plébiscite, tout en se livrant à l'empereur, ne voulait-elle pas la guerre? Lui-même, 8 jours auparavant, la déclarait coupable et imbécile. On discutait sur cette candidature d'un prince allemand au trône d'Espagne. Dans la confusion qui peu à peu s'était faite, tout le monde semblait avoir tort. Si bien qu'on ne savait plus de quel côté partait la provocation, et que, seul, debout, l'inévitable demeurait, la loi fatale qui, à l'heure marquée, jette un peuple sur un autre. Mais un grand frisson avait traversé Paris. Il revoyait la soirée ardente, les boulevards charriant la foule, les bandes qui secouaient les torches en criant « À Berlin ! À Berlin !» Devant l'hôtel de ville, il entendait encore, monté sur le siège d'un cocher, une grande belle femme, au profil de reine, dans les plis d'un drapeau et chantant la Marseillaise. Était-ce donc menteur? Le cœur de Paris n'avait-il pas battu? Et puis, comme toujours chez lui, après cette exaltation nerveuse, des heures de doute affreux et de dégoût avaient suivi. Son arrivée à la caserne, l'adjudant qu'il avait reçu, le sergent qu'il avait fait habiller, la chambrée empestée et d'une crasse repoussante, la camaraderie grossière avec ses nouveaux compagnons, l'exercice mécanique qui lui cassait les membres et lui appesantissait le cerveau. En moins d'une semaine, pourtant, il s'était habitué, sans répugnance désormais. Et l'enthousiasme l'avait repris lorsque le régiment était enfin parti pour Belfort. Dès les premiers jours, Maurice avait eu l'absolue certitude de la victoire. Pour lui, le plan de l'empereur était clair. Jeter 400 000 hommes sur le Rhin, franchir le fleuve avant que les Prussiens fussent prêts, séparer l'Allemagne du Nord de l'Allemagne du Sud par une pointe vigoureuse. Et, grâce à quelques succès éclatants, forcer tout de suite l'Autriche et l'Italie à se mettre avec la France. Le bruit n'avait-il pas couru un instant que ce 7e corps, dont son régiment faisait partie, devait prendre la mer à Brest pour être débarqué en Danemark et opérer une diversion qui obligerait la Prusse à immobiliser une de ses armées? Elle allait être surprise, accablée de toutes parts, écrasée en quelques semaines. Une simple promenade militaire de Strasbourg à Berlin. Mais, depuis son attente à Belfort, des inquiétudes le tourmentaient. Le 7e corps, chargé de surveiller la trouée de la forêt noire, y était arrivé dans une confusion inexprimable, incomplet, manquant de tout. On attendait d'Italie la 3e division. La 2e brigade de cavalerie restait à Lyon par crainte d'un mouvement populaire. Et 3 batteries s'étaient égarées. On ne savait tout. Puis, c'était un dénuement extraordinaire. Les magasins de Belfort, qui devaient tout fournir, étaient vides. Ni tente, ni marmite, ni ceinture de flanelle, ni cantine médicale, ni forge, ni entraves à chevaux. Pas un infirmier et pas un ouvrier d'administration. Au dernier moment, on venait de s'apercevoir que 30 000 pièces de rechange manquaient, indispensables au service des fusils. Et il avait fallu envoyer à Paris un officier qui en avait rapporté 5 000, arrachés avec peine. D'autre part, ce qui l'angoissait, c'était l'inaction. Depuis 2 semaines qu'on se trouvait là, pourquoi ne marchait-on pas en avant? Il sentait bien que chaque jour de retard était une irréparable faute, une chance perdue de victoire. Et, devant le plan rêvé, se dressait la réalité de l'exécution. ce qu'il devait savoir plus tard, dont il n'avait alors que l'anxieuse et obscure conscience. Les 7 corps d'armée échelonnés, disséminés le long de la frontière, de Metz à Beach et de Beach à Belfort. Les effectifs partout incomplets, les 430 000 hommes se réduisant à 230 000 au plus. Les généraux se jalousant, bien décidés chacun à gagner son bâton de maréchal, sans porter aide aux voisins. La plus effroyable imprévoyance, la mobilisation et la concentration faites d'un seul coup pour gagner du temps, aboutissant à un gâchis inextricable. La paralysie lente, enfin, partie de haut, de l'empereur malade, incapable d'une résolution prompte, et qui allait envahir l'armée entière, la désorganiser, l'annihiler, la jeter au pire désastre, sans qu'elle pût se défendre. Et cependant, au-dessus du sourd malaise de l'attente, dans le frisson instinctif de ce qui allait venir, la certitude de victoire demeurait. Brusquement, le 3 août, avait éclaté la nouvelle de la victoire de Sarrebruck, remporté la veille. Grande victoire, on ne savait. Mais les journaux débordaient d'enthousiasme. C'était l'Allemagne envahie, le premier pas dans la marche glorieuse. Et le prince impérial, qui avait ramassé froidement une balle sur le champ de bataille, commençait sa légende. Puis, 2 jours plus tard, lorsqu'on avait su la surprise et l'écrasement de Wissembourg, un cri de rage s'était échappé des poitrines. 5 000 hommes pris dans un guet-apens, qui avaient résisté pendant 10 heures à 35 000 Prussiens. Ce lâche massacre criait simplement vengeance. Sans doute, les chefs étaient coupables de s'être mal gardés et de n'avoir rien prévu. Mais tout cela allait être réparé. MacMahon avait appelé la première division du 7e corps, le 1er corps serait soutenu par le 5e, les Prussiens devaient, à cette heure, avoir repassé le Rhin avec les baïonnettes de nos fantassins dans le dos. Et la pensée qu'on s'était furieusement battu ce jour-là, l'attente de plus en plus enfiévrée des nouvelles, toute l'anxiété épandue s'élargissait à chaque minute sous le vaste ciel pâlissant. C'était ce que Maurice répétait à Wes. « Ah, on leur a sûrement aujourd'hui allongé une fameuse raclée !» Sans répondre, Wes hocha la tête d'un air soucieux. Lui aussi regardait du côté du Rhin, vers cet orient où la nuit s'était déjà complètement faite, un mur noir assombri de mystère. Depuis les dernières sonneries de l'appel, un grand silence tombait sur le camp engourdi, troublé à peine par les pas et les voix de quelques soldats attardés. Une lumière venait de s'allumer, une étoile clignotante, dans la salle de la ferme, où l'état-major veillait, attendant les dépêches qui arrivaient d'heure en heure, obscures encore. Et le feu de bois vert, enfin abandonné, fumait toujours d'une grosse fumée triste, qu'un léger vent poussait au-dessus de cette ferme inquiète, salissant au ciel les premières étoiles. « Une raclée !» finit par répéter Wes. « Dieu vous entende !» Jean, toujours assis à quelques pas, dressa l'oreille. Tandis que le lieutenant Rocha, ayant surpris ce vœu tremblant de doute, s'arrêta net pour écouter. « Comment ? » reprit Maurice. « Vous n'avez pas une entière confiance ? Vous croyez une défaite possible ?» D'un geste, son beau-frère l'arrêta, les mains frémissantes, sa bonne face tout d'un coup bouleversée et pâlie. « Une défaite ! Le ciel nous en garde ! Vous savez, je suis de ce pays. Mon grand-père et ma grand-mère ont été assassinés par les Cosaques en 1814. Et quand je songe à l'invasion, mes poings se serrent. Je ferai le coup de feu avec ma redingote comme un troupier. » « Une défaite, non, non, je ne veux pas la croire possible. » Il se calma. Il eut un abandon d'épaule, plein d'accablement. « Seulement, que voulez-vous ? Je ne suis pas tranquille. Je la connais bien, mon Alsace. Je viens de la traverser encore pour mes affaires. Et nous avons vu, nous autres, ce qui crevait les yeux des généraux et ce qu'ils ont refusé de voir. Ah, la guerre avec la Prusse, nous la désirions. Il y avait longtemps que nous attendions paisiblement de régler cette vieille querelle. Mais ça n'empêchait pas nos relations de bon voisinage avec Bade et avec la Bavière. Nous avons tous des parents ou des amis de l'autre côté du Rhin. Nous pensions qu'ils rêvaient comme nous d'abattre l'orgueil insupportable des Prussiens. Et nous, si calmes, si résolus, voilà plus de 15 jours que l'impatience et l'inquiétude nous prennent, à voir comment tout va de mal en pis. Dès la déclaration de guerre, on a laissé les cavaliers ennemis terrifier les villages, reconnaître le terrain, couper les fils télégraphiques. Bade et la Bavière se lèvent. D'énormes mouvements de troupes ont lieu dans le Palatinat. Les renseignements venus de partout, des marchés et des foires, nous prouvent que la frontière est menacée. Et quand les habitants, les maires des communes, effrayés enfin, accourent dire cela aux officiers qui passent, ceux-ci haussent les épaules. Des hallucinations de poltron. L'ennemi est loin? Quoi? Lorsqu'il n'aurait pas fallu perdre une heure, les jours et les jours se passent. Que peut-on attendre? Que l'Allemagne tout entière nous tombe sur les reins? Il parlait d'une voix basse et désolée, comme s'il se fût répété ces choses à lui-même, après les avoir pensées longtemps. Ah, l'Allemagne, je la connais bien aussi. Et le terrible, c'est que vous autres, vous paraissez l'ignorer autant que la Chine. Vous vous souvenez, Maurice, de mon cousin Gunther, ce garçon qui est venu le printemps dernier me serrer la main à Sedan. Il est mon cousin par les femmes. Sa mère, une sœur de la mienne, s'est mariée à Berlin. Et il est bien de là-bas. Il a la haine de la France. Il sert aujourd'hui comme capitaine dans la garde prussienne. Le soir où je l'ai reconduit à la gare, je l'entends encore me dire de sa voix coupante. « Si la France nous déclare la guerre, elle sera battue. » Du coup, le lieutenant Rochat, qui s'était contenu jusque-là, s'avança, furieux. Âgé de près de 50 ans, c'était un grand diable, maigre, avec une figure longue et creusée, tannée, enfumée. Le nez énorme, busqué, tombait dans une large bouche violente et bonne, où se hérissaient de rudes moustaches grisonnantes, et il s'emportait, la voix tonnante. « Ah, ça! Qu'est-ce que vous foutez là, vous, à décourager nos hommes ?» Jean, sans se mêler de la querelle, trouva au fond qu'il avait raison. Lui non plus, tout en commençant à s'étonner des longs retards et du désordre où l'on était, n'avait jamais douté de la raclée formidable que l'on allait allonger aux Prussiens. C'était sûr, puisqu'on était venu que pour ça. « Mais, lieutenant, répondit Wes interloqué, je ne veux décourager personne. Au contraire, je voudrais que tout le monde sût ce que je sais, parce que le mieux est de savoir pour prévoir et pouvoir. Et tenez, cette Allemagne !» Il continua de son air raisonnable. Il expliqua ses craintes. La Prusse grandit après Sadowa, le mouvement national qui la plaçait à la tête des autres États allemands. Tout ce vaste empire en formation, rajeuni, ayant l'enthousiasme et l'irrésistible élan de son unité à conquérir. Le système du service militaire obligatoire qui mettait debout la nation en armes, instruite, disciplinée, pourvue d'un matériel puissant, rompue à la Grande Guerre, encore glorieuse de son triomphe foudroyant sur l'Autriche. L'intelligence, la force morale de cette armée, commandée par des chefs presque tous jeunes, obéissant à un généralissime qui semblait devoir renouveler l'art de se battre, d'une prudence et d'une prévoyance parfaite, d'une netteté de vue merveilleuse. Et, en face de cette Allemagne, il osa ensuite montrer la France. L'Empire vieilli, acclamé encore au plébiscite, mais pourri à la base, ayant affaibli l'idée de patrie en détruisant la liberté, redevenu libéral trop tard et pour sa ruine, prêt à crouler dès qu'il ne satisferait plus les appétits de jouissance déchaînés par lui. l'armée, certes, d'une admirable bravoure de race, toute chargée des lauriers de Crimée et d'Italie, seulement gâtée par le remplacement à prix d'argent, laissée dans sa routine de l'école d'Afrique, trop certaine de la victoire pour tenter le grand effort de la science nouvelle. Les généraux, enfin, médiocres pour la plupart, dévorés de rivalité, quelques-uns d'une ignorance stupéfiante, et l'empereur à leur tête, souffrant et hésitant, trompé et se trompant, dans l'effroyable aventure qui commençait, où tout se jetait en aveugle, sans préparation sérieuse, au milieu d'un effarement, d'une débandade de troupeaux menés à l'abattoir. Rocha, béant, les yeux arrondis, écoutait. Son terrible nez s'était froncé. Puis, tout d'un coup, il prit le parti de rire, d'un rire énorme qui lui fendait les mâchoires. « Ah, qu'est-ce que vous nous chantez là, vous? Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces bêtises? Mais ça n'a pas de sens! C'est trop bête pour qu'on se casse la tête à comprendre! Allez compter ça à des recrues, mais pas à moi, non! Pas à moi, qui ai 27 ans de service !» Et il se tapait la poitrine du poing. Fils d'un ouvrier maçon, venu du Limousin, né à Paris et répugnant à l'état de son père, il s'était engagé dès l'âge de 18 ans. Soldat de fortune, il avait porté le sac, caporal en Afrique, sergent à Sébastopol, lieutenant après Solferino, ayant mis 15 années de dure existence et d'héroïque bravoure pour conquérir ce grade. D'un manque tel d'instruction qu'il ne devait jamais passer capitaine. « Mais, monsieur, vous qui savez tout, vous ne savez pas ça !»« Oui, à Mazagran, j'avais 19 ans à peine, et nous étions 123 hommes, pas un de plus, et nous avons tenu 4 jours contre 12 000 Arabes. Ah oui, pendant des années et des années là-bas, en Afrique, à Mascara, à Biskra, à Délice, plus tard dans la Grande Kabylie, plus tard à Lagouate. Si vous aviez été avec nous, monsieur, vous auriez vu tous ces sales moricots filer comme des lièvres dès que nous paraissions. Et à Sébastopol, monsieur, fichtre, on ne peut pas dire que ça a été commode. Des tempêtes à vous déraciner les cheveux, un froid de loup, toujours des alertes, puis ces sauvages qui, à la fin, ont tout fait sauter. N'empêche pas que nous les avons fait sauter eux-mêmes, oh, en musique et dans la grande poêle à frire. Et à Solferino, vous n'y étiez pas, monsieur, alors pourquoi en parlez-vous? Oui, à Solferino, où il a fait si chaud, bien qu'il ait tombé ce jour-là, plus d'eau que vous n'en avez peut-être jamais vu dans votre vie. À Solferino, la grande brossée aux Autrichiens, il fallait les voir devant nos baïonnettes, galoper, se culbuter pour courir plus vite comme s'ils avaient eu le feu au derrière. Il éclatait d'aise. Toute la vieille gaieté militaire française sonnait dans son rire de triomphe. C'était la légende, le troupier français parcourant le monde, entre sa belle et une bouteille de bon vin, la conquête de la terre faite en chantant des refrains de goguette. Un caporal et 4 hommes, et des armées immenses mordaient la poussière. Brusquement, sa voix gronda. « Battue ? La France battue ? Ces cochons de Prussiens nous battre ? Nous autres ?» Il s'approcha, saisit violemment Wess par un revers de sa redingote. Tout son grand corps maigre de chevalier errant exprimait l'absolu mépris de l'ennemi, quel qu'il fût, dans une insouciance complète du temps et des lieux. « Écoutez bien, monsieur. Si les Prussiens osent venir, nous les reconduirons chez eux à coups de pied dans le cul. Vous entendez? À coups de pied dans le cul, jusqu'à Berlin. » Et il eut un geste superbe, la sérénité d'un enfant, la conviction candide de l'innocent qui ne sait rien et ne craint rien. « Parbleu, c'est comme ça, parce que c'est comme ça. » Wess, étourdi, convaincu presque, se hâta de déclarer qu'il ne demandait pas mieux. Quant à Maurice, qui se taisait, n'osant intervenir devant son supérieur, il finit par éclater de rire avec lui. Ce diable d'homme, que d'ailleurs il jugeait stupide, lui faisait chaud au cœur. De même, Jean, d'un hochement de tête, avait approuvé chaque parole du lieutenant. Lui aussi était à Solferino, où il avait tant plu. Et voilà qui était parlé. Si tous les chefs avaient parlé comme ça, on ne se serait pas mal fichu qu'il manquât des marmites et des ceintures de flanelle. La nuit était complètement venue depuis longtemps, et Rocha continuait d'agiter ses grands membres dans les ténèbres. Il n'avait jamais épelé qu'un volume des victoires de Napoléon, tombé au fond de son sac de la boîte d'un colporteur. Et il ne pouvait se calmer, et toute sa science sortit en un cri impétueux. L'Autriche, rossée à Castiglione, à Marengo, à Austerlitz, à Wagram. La Prusse, rossée à Eylau, à Iéna, à Lutzen. La Russie, rossée à Friedland, à Smolensk, à la Moscova. L'Espagne, l'Angleterre, rossée partout. La terre entière, rossée, rossée de haut en bas, de long en large. Et aujourd'hui, c'est nous qui serions rossés. Pourquoi? Comment? On aurait donc changé de monde! Il se grandit encore, leva son bras comme la hampe d'un drapeau. Tenez, on s'est battu là-bas aujourd'hui, on attend les nouvelles. Eh bien, les nouvelles, je vais vous les donner, moi. On a rossé les Prussiens, rossé à ne leur laisser ni ailes ni pattes, rossé à en balayer les miettes. Sous le ciel sombre, à ce moment, un grand cri douloureux passa. Était-ce la plainte d'un oiseau de nuit? Était-ce une voix du mystère venue de loin, chargée de larmes? Tout le camp, noyé de ténèbres, en frissonna, et l'anxiété épandue, dans l'attente des dépêches si lentes à venir, s'en trouva enfiévrée, élargie encore. Au loin, dans la ferme, éclairant la veillée inquiète de l'état-major, la chandelle brûlait plus haute, d'une flamme droite et immobile de cierge. Mais il était 10 heures. Gaude surgit du sol noir où il avait disparu, et le premier sonna le couvre-feu. Les autres clairons répondirent, s'éteignirent de proche en proche, dans une fanfare mourante, déjà comme engourdie de sommeil. Et Wes, qui s'était oublié là si tard, serra tendrement Maurice entre ses bras. Bon espoir et bon courage. Il embrasserait Henriette pour son frère. Il irait dire bien des choses à l'oncle Fouchard. Alors, comme il partait enfin, une rumeur courut, toute une agitation fébrile. C'était une grande victoire que le maréchal de Mac Mahon venait de remporter. Le prince royal de Prusse fait prisonnier avec 25 000 hommes. L'armée ennemie refoulée, détruite, laissant entre nos mains ses canons et ses bagages. « Parbleu !» cria simplement Rocha de sa voix de tonnerre. Puis, poursuivant Wes, tout heureux, qui se hâtait de rentrer à Mulhouse, « À coup de pied dans le cul, monsieur! À coup de pied dans le cul, jusqu'à Berlin !» Un quart d'heure plus tard, une autre dépêche disait que l'armée avait dû abandonner Wörth et battait en retraite. Ah, quelle nuit! Rocha, foudroyé de sommeil, venait de s'envelopper dans son manteau et dormait sur la terre, insoucieux d'un abri, comme cela lui arrivait souvent. Maurice et Jean s'étaient glissés sous la tente, où déjà Loubet, Chouteau, Pache et la Poule se tassaient, la tête sur leur sac. On tenait 6, à condition de replier les jambes. Loubet avait d'abord égayé leur faim à tous en faisant croire à la Poule qu'il y aurait du poulet, le lendemain matin à la distribution. Mais ils étaient trop là, ils ronflaient, les Prussiens pouvaient venir. Un instant, Jean resta sans bouger, serré contre Maurice. Malgré sa grande fatigue, il tardait à s'endormir. Tout ce qu'avait dit ce monsieur lui tournait dans la tête. L'Allemagne en armes, innombrable, dévorante. Et il sentait bien que son compagnon non plus ne dormait pas, pensait aux mêmes choses. Puis, celui-ci eut une impatience, un mouvement de recul, et l'autre comprit qu'il le gênait. Entre le paysan et le lettré, l'inimitié d'instinct, la répugnance de classe et d'éducation, étaient comme un malaise physique. Le premier pourtant en éprouvait une honte, une tristesse au fond, se faisant petit, tâchant d'échapper à ce mépris hostile qu'il devinait là. Si la nuit dehors devenait fraîche, on étouffait tellement sous la tente, parmi l'entassement des corps, que Maurice, exaspéré de fièvre, sortit d'un saut brusque, alla s'étendre à quelques pas. Jean, malheureux, roula dans un cauchemar, un demi-sommeil pénible, où se mêlait le regret de ne pas être aimé et l'appréhension d'un immense malheur dont il croyait entendre le galop, là-bas, au fond de l'inconnu. Des heures durent se passer. Tout le camp noir, immobile, semblait s'anéantir sous l'oppression de la vaste nuit mauvaise, où pesait quelque chose d'effroyable, sans nom encore. Des sursauts venaient d'un lac d'ombre. Un râle subit sortait d'une tente invisible. Ensuite, c'étaient des bruits qu'on ne reconnaissait pas. L'ébrouement d'un cheval, le choc d'un sabre, la fuite d'un rôdeur attardé. Toutes les ordinaires rumeurs qui prenaient des retentissements de menaces. Mais, tout à coup, près des cantines, une grande lueur éclata. Le front de Bandière en était vivement éclairé. On aperçut les faisceaux alignés, les canons des fusils réguliers et clairs, où filaient des reflets rouges, pareils à des coulures fraîches de sang. Et les sentinelles, sombres et droites, apparurent dans ce brusque incendie. Était-ce donc l'ennemi que les chefs annonçaient depuis 2 jours et que l'on était venu chercher de Belfort à Mulhouse? Puis, au milieu d'un grand pétillement d'étincelles, la flamme s'éteignit. Ce n'était que le tas de bois vert, si longtemps tracassé par la poule, qui, après avoir couvé pendant des heures, venait de flamber comme un feu de paille. Jean, effrayé par cette clarté vive, sortit à son tour précipitamment de la tente, et il faillit buter dans Maurice, soulevé sur un coude, regardant. Déjà, la nuit était retombée plus opaque, les deux hommes restèrent allongés sur la terre nue, à quelques pas l'un de l'autre. Il n'y avait plus en face d'eux, au fond des ténèbres épaisses, que la fenêtre toujours éclairée de la ferme, cette chandelle perdue qui semblait veiller à mort. Quelle heure pouvait-il être? 2 heures, 3 heures peut-être. Là-bas, l'état-major ne s'était décidément pas couché. On entendait la voix braillarde du général Bourguin des Feuilles, enragé de cette nuit de veille pendant laquelle il n'avait pu se soutenir qu'à l'aide de grogs et de cigares. De nouveaux télégrammes arrivaient, les choses devaient se gâter, des ombres d'estafettes galopaient, affolées et indistinctes. Il y eut des piétinements, des jurons, comme un cri étouffé de mort, suivi d'un effrayant silence. Quoi donc? Était-ce la fin? Un souffle glacé avait couru sur le camp, anéanti de sommeil et d'angoisse. Et ce fut alors que Jean et Maurice reconnurent le colonel de Vineuil dans une ombre maigre et haute qui passait rapidement. Il devait être, avec le major Bourroche, un gros homme à tête de lion. Tous les deux échangeaient des paroles sans suite, de ces paroles incomplètes, chuchotées, comme on en entend dans les mauvais rêves. « Elle vient de Bâle, notre première division détruite. 12 heures de combat, toute l'armée en retraite. » L'ombre du colonel s'arrêta, appela une autre ombre qui se hâtait, légère, fine et correcte. « C'est vous, Baudouin ?»« Oui, mon colonel. » »« Ah, mon ami, Mac Mahon battu à Frochviller, Frossard battu à Spikren, De Failly immobilisé, inutile entre les deux. À Frochviller, un seul corps contre toute une armée, des prodiges, et tout emporté, la déroute, la panique, la France ouverte. » Des larmes l'étranglaient, des paroles encore se perdirent, les trois ombres disparurent, noyées, fondues. Dans un frémissement de tout son être, Maurice s'était mis debout. « Mon Dieu ! » bégaya-t-il. Et il ne trouvait rien autre chose, tandis que Jean, le cœur glacé, murmurait « Ah, fichu sort ! Ce monsieur, votre parent, avait tout de même raison de dire qu'ils sont plus forts que nous. » Hors de lui, Maurice l'aurait étranglé. Les Prussiens, plus forts que les Français ? C'était de cela que saignait son orgueil. Déjà, le paysan ajoutait, calme et titu, « Ça ne fait rien, voyez-vous. Ce n'est pas parce qu'on reçoit une tape qu'on doit se rendre. Faudra cogner tout de même. » Mais devant eux, une longue figure s'était dressée. Ils reconnurent Rochat, drapé encore de son manteau, et que les bruits errants, le souffle de la défaite peut-être, venaient de tirer de son dur sommeil. Il questionna, voulut savoir. Quand il eut compris, à grand-peine, une immense stupeur se peignit dans ses yeux vides d'enfant. À plus de 10 reprises, il répéta « Battu ? Comment battu ? Pourquoi battu ?» Maintenant, à l'Orient, le jour blanchissait, un jour louche d'une infinie tristesse sur les tentes endormies, dans l'une desquelles on commençait à distinguer les faces terreuses de Loubet et de la Poule, de Chouteau et de Pache, qui ronflaient toujours, la bouche ouverte. Une aube de deuil se levait parmi les brumes couleur de suie qui étaient montées là-bas du fleuve lointain.